Capacity. Hey, petite, hello, reviens. Parce que nous, on 400 en bas, on t'aime bien. Vas-y, petite, hello, reviens. T'as oublié ton thé à la menthe, reviens. Oublié de graisser la pâte, gros reviens. T'as oublié de me livrer quelques météorites, reviens. Je viens te chercher un autre théropode. C'est-y, vas-y petite, oh, reviens. Parce que nous 400, eh ben on t'aime bien.